Iman. Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Les responsables des partis politiques ne devraient pas se plaindre de la présentation des insignes de leur parti politique à la CENI. Le commissaire chargé de la communication et de l'éducation électorale à la CENI les comprendrait s'ils étaient tenus à les présenter dans un délai court. Vous entendrez les explications de François Wizimana dans une interview accordée à la radio Isanganiro. Les élèves encadrés dans les écoles à régime d'internat réussissent mieux. Nous irons au lycée de Mwaro qui, en plus de bonnes notes obtenues par les élèves internes, l'on n'a enregistré aucune grossesse non désirée durant les quatre dernières années. Reportage à suivre. Et le régime d'internat dans les écoles, encouragé par le président du syndicat Conapes, qui ne manque pas malgré tout de soulever des défis pour la pérennisation de cette politique. Vous l'entendrez. Et la chronique santé ce mardi est centrée sur la prévention des maladies des mains sales chez les enfants. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le parti CDP s'inquiète par rapport au dépôt des insignes par les partis politiques à la CENI. Anissé Niyonguru, président de ce parti, trouve que la CENI vient de verrouiller toute forme de coalition politique. Écoutez Anissé Niyonguru, président du parti CDP. Le dépôt des insignes électoraux pour les partis politiques et tous ceux qui veulent se faire élire aux élections prochaine de 2025 au Burundi, ce dépôt a commencé ce 4 novembre 2024 et va se terminer le 8 novembre 2024. Le programme qui a été fait par la CENI, c'est un programme qui a un objectif d'instaurer un monopartisme de fait au Burundi. Pourquoi ? Parce que ce dépôt des insignes est limité en novembre. Alors que les partis politiques qui veulent se coaliser pour affronter les élections de 2025. Donc, la coalition doit commencer au moment électoral. Et la période électorale va commencer le 7 décembre. Les partis politiques n'ont pas le droit de se coaliser parce que la CENI vient de verrouiller complètement toute forme de coalition politique. Parce que non seulement la date d'annonce de la période électorale, c'est le 7, et le dépôt des listes électorales, ça doit commencer le 9. Le 9 décembre, je dis. Mais qu'est-ce qui se fait maintenant? Avec la clôture du dépôt des insignes le 8 novembre, cela veut dire que aucun insigne de coalition ne peut être déposé au-delà de la date de dépôt. Je demande encore une fois à la CENI de se saisir avant que ça ne soit trop tard. C'est encore possible de changer ce programme, de changer ce calendrier, c'est possible. Même si la CENI dit que ça coûte cher, mais l'argent, ça se cherche. Mais la dignité des Burundais, dès que vous l'avez perdue, ce n'est pas facilement retrouvable. Anissé Niyonguru, président du parti CDP. En réaction, la Commission électorale nationale indépendante CENI dit ne pas comprendre certains responsables des partis politiques qui expriment leurs appréhensions par rapport à la présentation des insignes de leur parti politique. Le commissaire chargé de la communication et de l'éducation électorale, qui le déclare dans une interview accordée à la radio Isanganiro ce mardi, fait savoir qu'ils devraient se lamenter s'ils étaient tenus à les présenter dans un temps court, au moment où il n'est pas encore temps de formaliser les coalitions des partis politiques. François Bizimana explique que ces dernières le feront également après leur constitution. Suivez-le. Ceux qui se lamentent n'ont pas raison. D'abord, je tiens à préciser que vous venez de me trouver aux enceintes de la CENI. Je peux vous faire visiter là où ces insignes des partis politiques sont en train d'être réceptionnés. Ils sont nombreux, les partis politiques, qui affluent massivement pour présenter leurs insignes. Je ne vois pas donc qui sont ces partis politiques qui se lamentent alors que la majorité des partis politiques agréés au Burundi ont déjà déposé leurs insignes dans les enceintes de la CENI. Il n'est pas encore temps de formaliser les coalitions des partis politiques. Cette activité de dépôt des insignes pour ces coalitions des partis politiques, est-ce que ça ne les concerne pas? Puisque les coalitions sont acceptées pendant les élections. Et le décret de convocation des élections va intervenir le 7 décembre 2024. Mais avant la convocation des électeurs, Les partis politiques existent au Burundi et les partis politiques fonctionnent. Et les partis politiques sont les partenaires de la CENI. Donc, que la CENI puisse travailler avec ses partenaires qui sont déjà en place, je ne vois pas en quoi cela choquerait l'un ou l'autre, puisque, comme je le dis, la CENI travaille avec ses partenaires. La CENI travaillera avec les coalitions, des partis politiques quand ces coalitions verront le jour. Et ces coalitions verront le jour en période électorale, c'est-à-dire après la convocation des électeurs. Et aussi, nous allons leur demander de présenter leur insigne pour qu'ils puissent participer aux élections. Le moment venu aujourd'hui, on ne peut pas exiger à quelqu'un qui n'est pas encore né de présenter sa carte d'identité. C'est impossible. N'est-ce pas d'oublier cette catégorie aussi? Comment oublier quelqu'un qui n'est pas encore né? Vous l'oubliez comment? On oublie quelqu'un qui existe déjà. Quelle coalition connaissez-vous aujourd'hui que nous aurions oublié maintenant? Ces coalitions existent parce que la loi les reconnaît. La loi reconnaît que les coalitions peuvent être formées. Jusqu'aujourd'hui, la CENI ne connaît aucune coalition qui aurait été déjà formée en perspective des élections de 2025. Quand ces coalitions verront le jour, la CENI en tiendra compte, mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Et la CENI étant une commission permanente, la CENI ne peut pas attendre la naissance des coalitions pour pouvoir travailler. Et d'ailleurs, la CENI n'a pas la certitude que ces coalitions auront lieu, mais au moins la CENI a la certitude que les partis politiques sont là, qui sont ses partenaires. La loi régissant les partis politiques n'est pas claire en ce qui concerne la place réservée aux femmes et aux jeunes dans les instances de prise de décision. Et cela empêche aux femmes et jeunes d'être dans ces instances. Cela a été dit ce mardi par la directrice nationale de l'Association des femmes rapatriées. C'était lors d'une conférence de presse. Godelive Manirakiza demande aux responsables des partis politiques de les mettre en grand nombre sur les listes électorales pour les prochaines élections. Je dirais la loi sur les partis politiques reconnaît la prise en compte du genre, mais il n'y a pas un article qui précise bien que les 30% doivent être respectés par les partis politiques, surtout au moment de l'élaboration des listes électorales et dans la désignation des leaders des partis politiques, surtout dans les comités des partis politiques. Nous avons aussi trouvé que, à part les autres défis liés à la culture, il y a un défi économique. Pour bien participer dans de telles actions, il te faut un niveau d'économie un peu remarquable parce que tu as besoin de contribuer, tu as besoin de faire des dépenses. Alors, on a trouvé que les femmes et les jeunes ont souvent un problème économique, ce qui freine l'allure de leur participation. Mais aussi pour les femmes et les filles, il y a la nature qui est comme ça. Elles sont là, ce sont des mamans qui ont des enfants, qui ont aussi des obligations familiales. Alors, des fois, c'est difficile de combiner ces activités ou ces devoirs, ce qui fait que la maman ou la fille qui est dans cette situation peut avoir un dégoût dans les postes de prise de décision. Mais à côté de ces défis, il y a eu quand même des solutions. C'est-à-dire que pour ces femmes, il faut continuer la sensibilisation pour éveiller leur conscience et créer en elles l'amour et l'engouement d'occuper des postes de responsabilité. Isanganiro, la radio de l'avenir. Certains adolescents du sud de la capitale Bujumbura affirment que certaines de leurs amies utilisent la pilule dite du lendemain, mais que ces dernières n'en maîtrisent pas les conséquences. Docteur Eric Ganza prévient que l'une des fonctions de cette pilule est de dérégler le cycle menstruel. Selon lui, celles qui en consomment étant jeunes peuvent ne pas concevoir. Il appelle les parents à sensibiliser leurs enfants à s'abstenir de l'utilisation de ces pilules dans leur jeune âge. Sheila Irambona. Comme le témoignent ces adolescents du sud de la capitale de Bujumbura, certains parmi leurs amis utilisent la pilule du lendemain pour éviter une grossesse, mais surtout pour cacher qu'ils ont eu des rapports sexuels et que leurs parents ne les punissent. Ils ajoutent également qu'en utilisant ces pilules dites du lendemain, leurs amis espèrent surtout ne pas attraper des infections sexuelles. Parmi mes amis, il y en a qui les prennent et en le faisant, elles veulent se prévenir des grossesses non désirées. Beaucoup les prennent en voulant éviter des grossesses non désirées et veulent aussi éviter de se faire gronder à la maison. À ce propos, le docteur Ganza Eric prévient, ces pilules ne préviennent pas les infections sexuelles. La fonction de cette pilule est plutôt d'allonger ou raccourcir le cycle menstruel pour éviter à la personne qui les prend de tomber enceinte. Donc ce cycle qui était régulier commence à être troublé. Donc en ce qui concerne les infections, la pilule du lendemain ne prévient pas les infections IST. Et d'ajouter que pour une jeune fille qui les prenne régulièrement, il peut y avoir des conséquences une fois mariée et d'appeler les parents à sensibiliser les enfants à l'abstinence. Et en premier, il peut y avoir des saignements entre les règles. Il peut y avoir aussi des vomissements. Et puis, il peut y avoir des céphalées, il peut y avoir des diarrhées, il peut y avoir des douleurs pelviennes et il peut y avoir aussi des troubles des règles. Parce que lorsqu'une personne, son cycle menstruel est perturbé, parfois il y a des difficultés pour savoir quel est le jour où je vais tomber enceinte. Il peut y avoir donc des fausses couches à force de prendre ces pilules. Donc un conseil donc, que je peux donner, et le plus important c'est de savoir que la première méthode qu'on peut donner à une fille qui n'a pas encore atteint l'âge de maturité, c'est l'abstinence. Ce docteur informe que ces pilules ne préviennent pas les grossesses à 100%. Je vous l'avais dit dans les titres, les élèves internes du lycée Mwaro ont réussi avec succès aux tests nationaux l'année dernière. Confirmation du directeur de cette école, satisfait des performances de ses élèves. Et Pitas Bayoubahé ajoute que même les filles internes affichent une bonne discipline car aucune grossesse n'a été signalée durant les quatre dernières années scolaires. Cependant, aux yeux de certains parents du chef-lieu de la province Mwaro, le comportement de certains élèves évoluant dans le système d'internat laisse à désirer. Les détails dans ce reportage d'Evariste Nzikobanyanga. Le lycée Mwaro est doté du système d'internat mixte et date des années 1987. Cette école a débuté cette année scolaire avec 839 élèves, dont 423 élèves internes. Cet établissement secondaire a cinq sections, à savoir la section fondamentale, la section langue, la section sciences, la section sciences sociales et humaines et la section pédagogique. Le directeur de cette école se dit satisfait de la réussite des élèves aux tests nationaux au cours de l'année dernière, surtout les élèves internes. En 9e année au concours national, je vois que sur 60 élèves que nous avions dans l'année scolaire passée, 57 élèves ont réussi au concours national. Donc nous avons réussi à 93%. Même si ce n'est pas à 100%, quand même nous voyons que la réussite est satisfaisante. Et au niveau du poste fondamental dans les classes terminale au niveau de l'examen d'état. Nous voyons que les élèves de la section sciences où les élèves habitent à l'internat, nous avons vu que la réussite a été, je dirais, bonne. Pourquoi? Parce que c'est 39 élèves qui ont passé l'examen d'état. 32 élèves ont réussi à l'examen. Le directeur Epitas Bayoubahé signale que du côté des élèves externes, le rendement n'a pas été meilleur. Et puis au niveau de la section langue où les élèves sont externes, nous voyons que la réussite n'a pas été bonne. Pourquoi? Parce que sur 11 élèves, 4 seulement ont 50% et plus. Pour dire que le projet du gouvernement d'augmenter les effectifs à l'internat aura un avantage très remarquable au niveau de la performance des élèves, au niveau de la réussite. Les parents de Mwaro saluent les performances des élèves internes, mais ils s'indignent de la façon dont ces élèves évoluant dans le système d'internat se comportent. Un de ses parents demande qu'il y ait de rigueur. J'aimerais mettre l'accent sur l'éducation d'aujourd'hui dans les écoles à régime d'internat. C'est un lieu de rassemblement des gens venus de différents milieux avec de différents coutumes et de divers comportements qui demandent que l'éducation des enfants soit suivie de près pour qu'elle soit meilleure comme celle des années passées. Comme ça, les élèves pourront rentrer dans leur famille respective avec une bonne éducation coïncidant avec celle de leurs parents. Même s'il y a des indignations de la part des parents d'élèves, le directeur du lycée Mwaro dit que dans son école, la discipline est relativement bonne, surtout qu'aucune grossesse non désirée n'a été signalée ces quatre dernières années. Le personnel dont nous disposons se donne corps et âme pour mieux encadrer nos élèves. Cela se remarque au niveau des cas de grossesse. Ici au lycée Mwaro, nous avons 4 4 successives sans aucun cas de grossesse, ce qui nous montre que quand même au niveau de l'encadrement, il n'y a pas beaucoup de défis à soulever. Le directeur du lycée Mnaro salue la politique du gouvernement de relancer le système d'internat dans les écoles. Même si cette école est dotée de bons bâtiments, les défis ne manquaient pas. Selon Epita Sebayoubahé, cette école est toujours dans le besoin d'enseignants de bancs pupitres, de lits et de matelas, ajoute-t-il. Évariste Nzekobanyanga est sur ce. Le président du syndicat des enseignants Konapé salue la décision du gouvernement de rouvrir les internats qui ont fait leurs preuves dans l'encadrement intellectuel des élèves. Emmanuel Machandari souligne néanmoins que des défis restent à relever pour la réussite de cette politique. Restaurer le système de régime d'internet, c'est une chose. Mais il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Quand on analyse aujourd'hui ce qui se passe sur le terrain, nous constatons que les enfants ont beaucoup de difficultés à l'internat, surtout dans les dortoirs. Pas mal d'enfants d'école n'ont pas de matelas. Le peu de matelas qu'ils ont, ce sont des matelas qui sont en lambeaux. On se demande comment les enfants puissent se partager en lit à deux sur des matelas déchiquetés. Mais quand même, il y a des efforts qui sont fournis par les uns et les autres. Je vois dans certaines écoles où il y a certaines associations ou organisations qui sont tentées d'appuyer pour donner des matelas, mais c'est encore insuffisant. Là, c'est au niveau des dortoirs, au niveau de la restauration. Au regard de la flambée des prix sur le marché aujourd'hui, avec la somme que l'État a disposée pour chaque enfant et chaque jour, nous constatons que c'est de loin inférieur à la réalité du marché. Il faudrait alors que le gouvernement fasse un effort, comme il s'est déjà donné une orientation, il faut qu'il fasse un effort pour aussi augmenter la ratio. Troisièmement, nous avons un grand problème au niveau des bibliothèques et des laboratoires. Un enfant peut avoir un bon encadrement. Un enfant peut avoir un bon professeur de mathématiques, de physique et autres. Mais s'il n'a pas le moment de s'exercer à travers les laboratoires comme on le faisait dans le temps, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui l'échappe. Normalement, c'est à travers les laboratoires, les manipulations, que l'on parvenait à fixer la matière apprise en classe. Vraiment, au regard de ce qui se passe sur le terrain, même nos élèves qui sont à l'internat, comme ils n'ont pas ces documents pour s'exercer, tant que nos bibliothèques, nos laboratoires, nos dortoirs, nos réfectoires sont tels qu'ils sont aujourd'hui, le résultat escompté ne sera pas atteint. Emmanuel Machandari, c'est le président du syndicat Konapes. Radio Isanganiro, chronique santé. Se laver les mains avec de l'eau et du savon est un moyen permettant de se protéger contre les diverses infections et de réduire jusqu'à 50% les maladies très fréquentes chez les enfants de moins de 5 ans, comme la diarrhée, selon Dr Yves Nyonguru. Et pour y arriver, ce médecin trouve qu'intégrer régulièrement le lavage des mains doit être la routine et ainsi montrer les bons exemples aux enfants pour enfin arrêter la transmission de ces maladies. Francine Diokougaï. Le 15 octobre de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale de lavage des mains au savon. C'est une pratique qui peut réduire la transmission des maladies infectieuses, selon le docteur Yves Nyonguru. Les mains sont des parties du corps qui nous aident à être en contact ou en relation avec le milieu extérieur, le milieu environnant. Alors, ça nous aide donc à prendre les choses ou à travailler. Ou quand vous voulez manger, vous utilisez les mains, donc vous prenez le repas, vous mettez dans la bouche ou vous vous mouchez avec des serviettes que vous avez prises quelque part. Alors, les mains sont susceptibles d'avoir beaucoup de microbes, beaucoup de bactéries qui, lorsqu'ils sont en contact avec le nez, avec les yeux, ça va nous permettre de tomber malade. En cas de manque d'hygiène, l'on s'expose à certaines maladies qui menacent la santé des familles. Nous risquons d'être contaminés par des maladies, entre autres les maladies donc qui causent la diarrhée, le vomissement, le choléra, la dysenterie. Il y a même des virus qu'on appelle les rotavirus qui peuvent nous attaquer. On peut aussi être attrapé par des épidémies comme la variole du singe. On est déjà même en phase de cette maladie ici au Burundi. Vous avez salué par exemple quelqu'un qui souffre du COVID-19 et que vous vous mouchez ou vous vous touchez, vous risquez d'être contaminé. Le docteur Yves Nyonguru indique que les enfants de moins de 5 ans sont les plus affectés par les maladies des mains sales. Les enfants de moins de 5 ans sont fréquemment touchés, même gravement touchés par les maladies des mains sales, comme le choléra, la dysenterie, les diarrhées causées par les virus et autres maladies donc, qui peuvent causer des troubles intestinaux. Mais aussi, il y a les maladies, je dirais, du système respiratoire, les rhumes, d'autres infections comme la grippe. Toutes ces maladies-là sont graves pour les enfants. Ils peuvent même entraîner des hospitalisations pour les enfants. Donc, je dirais qu'une précaution particulière est prise pour les enfants d'au moins de 5 ans. Si on parvient à faire lavage des mains correctement, ça permet de diminuer donc les maladies du type digestif, les diarrhées, les vomissements ou d'autres maladies épidémiques jusqu'à 50%. Et ça va aussi diminuer jusqu'à 25% les maladies respiratoires chez les enfants. Il faut éviter d'utiliser l'eau des rivières et des lacs souvent souillés. C'est pas la question de se laver, mais qu'est-ce que vous utilisez pour se laver? Pour bien se laver, il faut utiliser le savon et l'eau propre, donc l'eau qui coule, l'eau du robinet. Si vous utilisez alors l'eau du lac Tanganyika ou l'eau des rivières, où il y a même des puits où on va donc puiser de l'eau et puis on va l'utiliser dans le lavage des mains. Ce n'est pas conseillé parce que l'eau qui se trouve là, il y a trop de bactéries dans ces eaux-là qui stagnent. Il y a plusieurs bactéries qui peuvent nous contaminer et provoquer des maladies. Les parents et les éducateurs ont le rôle primordial dans la prévention des maladies liées aux mains sales car ils servent de modèle pour les enfants. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.